Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le lundi 22 juillet, nous souhaitons une bonne fête aux Marie-Madeleine. Ça vient de l'hébreu signifiant celle qui élève et du grec signifie haute tour. Elles inspirent le calme, la tranquillité, l'harmonie et la sympathie. Leur qualité de sérieux, de conscience et de leur devoir les rendent sécurisantes pour leur entourage. Elles sont animées par un souci de plaire, de faire plaisir et se sentent facilement responsables des autres, notamment sur un plan familial où obligations et contraintes se font parfois sentir. Scrupuleuses, elles apparaissent souvent méticuleuses et perfectionnistes, maniaques parfois. Cela peut se traduire par un goût sûr ou un certain raffinement, mais aussi par certains rites ou habitudes excessives, comme un souci exacerbé de l'ordre de la propreté ou de l'hygiène. Le sentiment tient une place importante dans leur existence. Les Marie-Madeleine sont des femmes tendres et sensibles, ayant un sens prononcé de l'amitié. Secourables, serviables, elles savent merveilleusement bien conseiller et consoler tout en se montrant sélectives quant à leurs relations et ne donnant pas leur amitié à tout le monde. En revanche, elles sont présentes lorsqu'on a besoin d'elles et en exigent autant en retour. Elles oublient difficilement les affronts ou les trahisons et en gardent longtemps la trace. Leur rancune est tenace. Dicton du jour. Sainte Madeleine, pluie amène. Si elle ne dure pas longtemps, elle remplit le grenier de froment. Sainte Madeleine fait la noisette pleine, le blé épié et le raisin coloré. À la Sainte Madeleine, la noisette quitte sa graine. Ou encore à la Sainte Madeleine, le raisin est formé et le blé renfermé. Pas de célébration internationale ni d'événements marquants qui se sont déroulés un 22 juillet. On passe donc tout de suite à notre première pause musicale avec Supertramp et leur titre Breakfast in America. Voilà, c'était Supertramp sur RGM. Un peu plus de 8h35, on parle anniversaire. Ils sont nés un 22 juillet 1934, naissance de Louise Fletcher, actrice américaine, vue dans Vol au-dessus d'un nid de coucou dans le rôle de l'infirmière Mildred Ratched. L'Exorciste 2, Sex Intention dans le rôle d'Hélène Rosemonde. La série télé Star Trek Deep Space Nine dans le rôle de Vedek, puis Kay Wynne Adami, est vue également dans Heroes ou encore Private Practice. 1939, naissance de Terence Stamp, acteur britannique, vu dans Superman 1 et 2 dans le rôle du général Zod, le Sicilien, Wall Street dans le rôle de Sir Larry Wildman, Star Wars épisode 1 La menace fantôme dans le rôle du chancelier Valorum et dans la série télé Smallville dans le rôle de Jor-El. 1944, naissance de Rick Davies, auteur, compositeur, interprète anglais, membre fondateur du groupe Supertramp. 1946, naissance de Mireille Mathieu, chanteuse française. On écoute tout de suite un extrait du titre Une femme amoureuse. Le temps qui court comme un fou, aujourd'hui voilà qu'il s'arrête sur nous. Qui sait si tu me vois, mais moi je ne vois que toi. Je n'ai plus qu'une question, tes yeux, mes yeux, et je chante ton nom. Si quelqu'un d'autre venait, je l'éloignerais, et je me je brûle d'envie de dresser autour de toi les murs de ma vie. C'est mon droit de t'aimer et de vouloir te garder. Par-dessus tout, voilà pour l'extrait de Mireille Mathieu. On reste en 46 avec la naissance également de Paul Lou Sulitzer, écrivain français, et de Paul Schrader, scénariste et réalisateur américain, scénariste de Taxi Driver, de Rencontre du Troisième Type et réalisateur d'American Gigolo, également scénariste. Et c'est aussi l'année de naissance de Danny Glover, acteur américain vu dans Witness dans le rôle du lieutenant James McPhee, L'Arme Fatale 1, 2, 3 et 4 dans le rôle du sergent Roger Murtoff, Shooter tireur d'élite dans le rôle du colonel Isaac Johnson. Il sera à l'affiche cette année de Jumanji, Bienvenue dans la jungle 2, et vu dans les séries télé Brothers and Sisters ou encore Esprit criminel. 1947, naissance d'Albert Brooks, comédien américain vu dans Taxi Driver dans le rôle de Tom, Hors d'atteinte dans le rôle de Richard Ripley, ou encore 40 ans Mode d'emploi. 1949, naissance d'Alan Menken, compositeur américain de musique de film, ayant travaillé pour La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin, Pocahontas, Le Bossu de Notre-Dame, Réponse. Il a d'ailleurs remporté l'Oscar de la meilleure musique de film pour La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin et également Pocahontas. 1955, naissance de Willem Dafoe, acteur américain vu dans Platoon, né un 4 juillet dans le rôle de Charlie, Sailor et Lula, Le Patient Anglais, Spider-Man 1, 2 et 3 dans le rôle de Norman Osborn alias Le Bouffon Vert, Aviator, Triple X 2, Inside Mind, L'Homme de l'Intérieur ou encore Nymphomaniac. 1963, naissance d'Olivier Gourmet, acteur belge, vu dans La Promesse, Ceux qui m'aiment prendront le train, Les Brigades du Tigre, le film, Jacou le Croquant, Coluche, l'histoire d'un mec, Mesrine, l'ennemi public numéro 1 ou encore Rien à déclarer. C'est également l'année de naissance de Rob Estes, acteur américain vu dans Les Dessous de Palm Beach dans le rôle du sergent Chris Lorenzo, Melrose Place, Les Experts Miami dans quelques épisodes dans le rôle de Nick Townsend, Beverly Hills, Nouvelle Génération dans le rôle d'Harry Wilson dans les saisons 1 et 2. 1964, naissance de John Leguizamo, acteur américano-colombien, vu en 96 dans Roméo et Juliette dans le rôle de Tybalt, vu dans Moulin Rouge dans le rôle de Toulouse-Lautrec, et il est la voix originale du personnage de Sid dans la saga L'Âge de Glace. 1965, naissance de Patrick Labiorto, acteur américain, vu dans La Petite Maison dans la Prairie dans le rôle d'Andy Garvey, connu pour son rôle du capitaine de vaisseau Bud Roberts Jr. dans la série télé JAG, vu également dans les séries Dexter, Castle ou encore Scandal. 1973, naissance de Daniel Jones, musicien, compositeur, producteur australien, membre du groupe Savage Garden. C'était également l'année de naissance de Christophe Michalak, pâtissier français, l'un des chefs pâtissiers d'ailleurs les plus réputés. 1974, naissance de Franca Potente, actrice allemande, vue dans La Mémoire dans la Peau ainsi que La Mort dans la Peau dans le rôle de Marie Krutz et vue également dans Tché, deuxième partie, Guérilla. 1989, naissance de Keegan Allen, acteur américain, connu pour son rôle de Toby Cavanaugh dans la série télé Pretty Little Liars. 1992, naissance de Selena Gomez, actrice, chanteuse, styliste, femme d'affaires américaine, ambassadrice de l'UNICEF. Vue dans Spy Kids 3, Nos pires voisins 2, à la télévision dans Hannah Montana ou encore Les sorciers de Waverly Place dans le rôle d'Alex Russo. Et on va tout de suite s'écouter un extrait de l'un de ses titres intitulé Love You Like Love Song. It's been said and done. Every beautiful thought's been already sung. And I guess right now here's another one. So your melody will play on and on. With the best of all, you are beautiful. Like a dream come alive, incredible. A centerfold miracle. You saved my life again. And I want you to know, baby, I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep it moving. Pour l'extrait de Selena Gomez. Et on termine les anniversaires avec en 2013 la naissance du prince George de Cambridge, troisième dans l'ordre de succession au trône du Royaume-Uni. Allez, tout de suite, on s'écoute le groupe Savage Garden avec leur titre Truly Madly Deeply. Everything that you need, I love you more with every breath, Julie. Le groupe Savage Garden sur le 107FM. On continue, ils nous ont quittés un 22 juillet en 1832. Décédé Napoléon II, prince impérial français en 1932. Décédé Reginald Fessenden, inventeur canadien, pionnier de la radio. En 2004, décédé Sacha Distel, chanteur français. Et en 2013, décédé Dennis Farina, acteur américain, vu dans piège en eau trouble, hors d'atteinte, US Marshal Cisco. Il faut sauver... Le soldat Ryan dans le rôle du lieutenant-colonel Anderson, à la télévision dans Les Incorruptibles de Chicago dans le rôle du lieutenant Mike Torello, New York Police Judiciaire dans le rôle du détective Joe Fontana. Allez, il est un peu plus de 8h48, on fait un point sur la météo. La météo. Eh bien, aujourd'hui, on va passer une journée sous le soleil, des températures comprises entre 16 et 17 degrés ce matin, entre 28 et 30 degrés prévues pour cet après-midi. Alors aujourd'hui, ça va, on va encore pouvoir respirer un petit peu, mais la canicule revient dès mardi, avec donc une journée ensoleillée, des températures comprises entre 15 et 16 degrés le matin, entre 32 et 35 degrés prévues pour mardi après-midi. Mercredi, journée ensoleillée également, des températures comprises entre 19 et 20 degrés le matin, et entre 34 et jusqu'à 37, voire peut-être même 38 degrés prévus pour mercredi après-midi. Allez, on écoute tout de suite Sacha Distel avec « Toute la pluie tombe sur moi ». Toute la pluie tombe sur moi, et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits, tout va de guingois, car toute la pluie tombe sur moi de tous les toits. À chaque instant, je me demande vraiment ce qui m'arrive et ce que j'ai fait. Oh mon Dieu, où à mes aïeux, où qu'autant de pluie tombe soudain comme ça sur moi. Mais je me dis qu'au fond, j'en ai reçu un autre dans ma vie, que je m'en suis toujours sorti avec le sourire. Toute la pluie tombe sur moi, oui, même moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas, car j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie vient le beau temps, et moi j'ai tout mon temps. Toute la pluie tombe sur moi de tous les toits, mais je me dis au fond, j'en ai reçu bien d'autres dans ma vie, que je m'en suis toujours sorti avec le sourire. Toute la pluie tombe sur moi, et même moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas, car j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie, j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie, oh je sais bien qu'après la pluie, y'a le beau temps, et moi j'ai tout mon temps. Viens le beau temps, et moi j'ai tout mon temps. Viens le beau temps, et moi j'ai tout mon temps. Sacha Distel, toute la pluie tombe sur moi. Allez, on est toujours sur RGM et il est l'heure de faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On ouvre la page Tour de France avec les résultats depuis vendredi. Alors vendredi, c'était le contre-la-montre qui a été remporté par Julien Alaphilippe. Samedi, la 14e étape avec l'arrivée sublime au Tourmalet et la victoire de Thibaut Pinot juste devant Julien Alaphilippe. Hier, c'était la 15e étape, toujours dans les Pyrénées, qui a été remportée par Simon Yates. Deuxième, Thibaut Pinot. 11e, Julien Alaphilippe qui a grimacé. Alors, de cette étape, ça a été compliqué pour lui, il est arrivé cramé, mais il conserve le maillot jaune. Aujourd'hui, c'est repos pour les cyclistes. Un mot de football maintenant avec tout d'abord la Coupe d'Afrique des Nations où l'Algérie a remporté le titre en battant 1-0 le Sénégal. Et à l'Euro U19, la France a battu hier la Norvège 1-0. Mercredi, ce sera la demi-finale contre l'Espagne. Un mot de VTT avec le 6e sacre de championne de France pour Pauline Ferrand-Prévot. Un mot d'escrime maintenant avec en fleuret la médaille d'or d'Enzo Lefort depuis 1990, qu'il n'y avait pas eu de titre dans cette catégorie. Un mot de tennis pour finir avec tout d'abord le tournoi de Lausanne qui a vu une finale 100% française entre Ferro et Cornet. Et c'est Ferro qui a remporté le titre en 3-7. Plusieurs tournois cette semaine, 5 pour être précise, au tournoi de Hambourg aujourd'hui, un duel franco-français entre Benoît Paire et Jérémy Chardy. À Gstaad, Corentin Moutet affrontera Stebe. À Jurmala, Tan affrontera Stojanovic. Et à Palerme, S affrontera Russe et Pauline Parmentier se reposer à Badossa. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale. Et aujourd'hui, c'est tube de l'été 1999. Souvenez-vous, c'était Luna et le titre « Vamos a la playa ». Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. You know we go where the feeling is right. You know we go where the groove is hot. You know we go where the feeling is right. Feeling is right. Feeling is right. Vamos a la playa. Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar. Baila, baila. Vamos a la playa de Luna sur le 107 FM. Il est presque 8h57 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais on se donne rendez-vous demain matin. Et excellente journée à tous. Ciao, bye bye.